bro, moi cher, moi, papa, moi. Ah, ma fille, on a bien. Papa, mon bimba, papa, mon bimba, papa, mon bimba.